Bonjour à tous. C'est bon, ça a l'air de marcher. Le micro. Je me présente rapidement. Hein. Je suis Guillaume Baudet, directeur technique de Xevia. Je suis désolé pour les templates de la présentation que vous a imposé. Pour ceux qui ont un petit peu d'argent pour le Scrum User Group, il serait gentil de financer une toute petite journée de design. Pour avoir moins le sentiment d'être dans le Tour de France, en fait. L'année dernière, quand on a fait l'inauguration du Scrum User Group, je vous avais fait une présentation sur comment vendre Scrum, en vous disant que c'était plus la peine, ça y est, les gens l'ont fait, allons-y. Tant mieux, c'était un message positif. Cette année, je vais arriver avec plus de problèmes, en fait. Finalement, une fois qu'on l'a vendu, hein, ça ne sert pas. Scrum, c'est plutôt une organisation qui a été conçue pour un modèle inshore, des projets à la maison, là, par des organisations qui sont plus ou moins bien taillées pour le faire. Et puis, quand on arrive avec les problématiques de sous-traitance, d'externalisation, bah, on commence à avoir des questions qui se posent, des mécanismes de Scrum qui sont nettement moins faciles à activer. Donc, c'est plutôt de ces problèmes-là que je vais essayer de vous parler ce soir, avec probablement un sujet plutôt exploratoire. Je n'ai pas des solutions définitives. Je pense qu'aujourd'hui, on se cherche, on cherche des modèles. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien. On a probablement un socle socioculturel en France qui n'est pas ultra favorable à la mise en place de projets agiles en mode externalisé. On va essayer de voir un petit peu toutes ces choses. Alors la première chose, alors j'ai une demi-heure, donc on va passer vite sur certains aspects. Hein, on va admettre que c'est une bonne idée d'externaliser le développement logiciel. Bon, on pourrait discuter longuement sur cette assertion. C'est pas si évident. Ça peut être évident pour certains. C'était probablement évident il y a quelques années, quand l'informatique est plutôt la fonction de support et qu'on développement logiciel plutôt back-office. Aujourd'hui, l'informatique, le logiciel, revient placé au centre du business, au centre du profit. C'est moins évident l'idée d'externaliser son fier, d'autres sociétés, finalement, des choses qui sont au cœur de notre stratégie. Mais bon, dans un premier temps, on va l'admettre. On va admettre que c'est une bonne idée, donc on va chercher à externaliser, à confier à d'autres sociétés le soin de développer nos logiciels. Et puis je vous rappelle, pour ceux qui devraient oublier, une des quatre valeurs du manifeste agile, celle sur laquelle on passe généralement rapidement. Pas grand chose à dire, on va collaborer avec le client plutôt que de faire de la négociation contractuelle. C'est bien, puis dès qu'on rentre en pratique, on se retrouve avec un problème. Le problème de l'allégeance. C'est le cas dans n'importe quel type de contrat, de transaction commerciale. Spontanément, vous placez les deux parties sur des intérêts qui sont strictement antagonistes. D'un côté, quelqu'un dont le revenu va être pour l'autre un coût. Ça pose spontanément un certain nombre de problèmes pour mettre en place un environnement de coopération harmonieux et efficace. Bon, il y a une solution, une vieille solution, une nouvelle solution, on fait des contrats. On fait des contrats pour fixer les règles de la transaction et s'assurer qu'aucune des deux parties va essayer de tirer l'avantage de faiblesse ou de la naïveté de l'autre. Alors la solution, les contrats, c'est plus ou moins facile à établir un contrat. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un contrat dans une transaction. Quand vous allez à la boulangerie acheter une baguette de pain, en règle générale, vous ne passez pas un quart d'heure à négocier un contrat avec la boulangère sur la nature de la prestation qu'elle va vous fournir, les tarifs, les modes de paiement, etc. Il y a un contrat implicite, hein, vous donnez un certain tarif qu'elle vous impose, puis elle vous donne une baguette d'un poids normal de 200 grammes. Puis vous vérifiez à remonter. Hein. On est moins rigoureux sur les livraisons de la boulangère que sur les livraisons de ces centres de service, d'une façon générale. D'accord, donc d'une façon générale, quand les termes de la transaction sont clairs, que la transaction est immédiate, on n'a pas forcément besoin d'établir un contrat. Alors finalement, le contrat, on en a besoin quand une partie de la transaction sera effectuée dans le futur. Que la transaction va être suivie d'un certain nombre de services qui seront effectués dans le futur. Bon, les contrats de services à très grande garantie que vous pouvez obtenir quand vous achetez une baguette frigidaire. Vous n'avez pas demandé un contrat de garantie à votre boulangère, mais sinon, par contre, vous allez leur demander un contrat de garantie, un service à très grande, etc. D'accord ? Donc le contrat, il est là pour s'assurer contre le futur. Alors, quand on regarde un petit peu les contrats, on peut avoir deux grandes approches sur les contrats. La première, classique, hein, c'est de chercher à protéger les deux parties contre l'opportunisme ou la malveillance de l'autre. C'est un objectif tout à fait acceptable. Le monde est ce qu'il est, les gens ne sont pas tous bien intentionnés. C'est d'autant plus important qu'en général, surtout dans l'informatique, les contrats sont établis entre des sociétés, pas entre des individus. Autant on peut établir des relations de confiance pérennes entre des individus, autant entre des sociétés, c'est toujours un petit peu plus délicat. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous entendre correctement avec un individu, puis cet individu peut disparaître. Votre relation avec la société va rester. Donc on va avoir une première partie de contractuel qui permet de se protéger. Donc on va fixer les règles précises du contrat, les engagements des deux parties. Alors quand c'est du logiciel, hein, en général, on va fixer un certain nombre de critères sur ce qui doit être livré, produit par le prestataire. C'est typiquement le périmètre, quelles sont les fonctionnalités qu'on veut obtenir, niveau de qualité, délai, les coûts. Alors, c'est typiquement le type de contrat qu'on va établir. C'est un contrat qui est fondamentalement un contrat juridique, avec une grande dimension de protection juridique. Et c'est ce qu'on appelle en informatique généralement l'infogérance. Et puis il y a une deuxième partie de contrat auquel on est moins habitué dans l'informatique, qui est plus un type de contrat qu'on retrouve dans le milieu industriel, et qui repose plutôt sur la notion d'inciter les parties à collaborer pour un résultat qui leur soit mutuellement avantageux. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans la théorie des contrats. Et c'est des choses qui vont s'appuyer davantage sur les notions de partenariat. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. On est chez Scrum, hein, donc là c'est l'image du démon, le waterfall. Alors notre bon vieux processus cycle en V ou en cascade. Je pense véritablement que si on revient à l'origine de ce processus, hein, des travaux de Winston Royce, hein, dans les années 70, hein, l'objectif de Winston Royce, hein, c'était précisément de permettre la contractualisation de la sous-traitance informatique. Alors, pour entrer dans un cadre contractuel connu, on avait besoin de définir des attendus dans le développement logiciel. Donc de lotir, et puis de fixer des règles précises quant à ce que chacune des deux parties a le droit d'attendre de l'autre. Alors, ce cycle en V, il a pour origine des problématiques contractuelles. D'ailleurs, Royce lui-même a reconnu que finalement c'était bien pour contractualiser, autant pour faire des logiciels, c'était pas fantastique. Ce qui est intéressant, hein, c'est que cette approche contractuelle, on l'a poussée très très loin finalement. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, alors la France c'est un pays qui est assez intéressant, parce que je pense qu'on a un niveau de maturité sur la gestion de ce type de contrat qui est quelque part en avance par rapport à, enfin, si on peut appeler ça de l'avance, hein, bien sûr, qui est par rapport à d'autres pays. Par contre, les résultats, ils sont mitigés. Alors, j'ai ressorti le bon vieux camembert du Chaos Report. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts. Bon, le Chaos Report, il donne un certain nombre de chiffres sur les taux de succès, d'échecs, des projets. Peu importe l'exactitude des chiffres, je travaille dans l'informatique depuis suffisamment longtemps. Une grosse moitié des développeurs que je connais travaillent sur des projets qui sont en échec d'une façon plus ou moins forte, que ce soit sur des façons de déléguer, que ce soit sur des budgets, des fonctionnalités qui explosent, qui ne sont pas correctes, etc. Et j'ai moi-même eu l'occasion de travailler sur davantage de projets qui étaient d'une façon ou d'une autre dans la catégorie challenger, Chaos Report, que dans des projets qu'on pouvait qualifier de succès, de succès complet. Donc empiriquement, j'aurais tendance à penser que même si ces chiffres ne sont pas sûr qu'il faille les prendre au pied de la lettre, par le Chaos Report, 40 000 projets, 10 ans de recherche, etc., on peut discuter sans fin de ces chiffres. La réalité, c'est que ce processus de développement, il n'est pas très performant. Et ce mode de contractualisation, il n'est pas très performant. La réaction normale face à ce taux d'échec, ça devrait être de rechercher d'autres solutions. La vraie solution, ça a été plutôt de muscler les contrats. On a fait des contrats de plus en plus robustes. La réalité, c'est que les contrats, c'est plutôt de la gonflette. On a musclé, c'est sûr, on les a musclés les contrats, on a mis énormément de clauses qui permettent aux deux parties de se protéger. En règle générale, en transférant quasiment l'intégralité du risque opérationnel sur le prestataire, c'est un peu le rôle du contrat au forfait, hein. On transfère quasiment tout le risque sur le prestataire. Le risque sur les délais, le risque sur les coûts, etc. Et puis on met des choses qui sont parfois assez dures en matière de compensation en cas de non-respect des engagements fixés dans le contrat initial. Si je dis que c'est de la gonflette, c'est tout simplement que ce transfert de risque, il est en grande partie virtuel. Le risque opérationnel, le vrai risque opérationnel, il reste chez le client. À partir du moment où on a décidé de développer un logiciel, c'est qu'on en a une utilité. Enfin, on espère. Donc il y a une justification, alors qu'elle soit sur améliorer des processus métiers, qu'elle soit sur développer des logiciels commerciaux, etc. Mais en tout cas, il y a une justification derrière ça. Et le risque de non-réalisation du logiciel, il reste in fine tout le temps chez le client. Ce qui fait que ce qui se passe en vrai, c'est que même en cas de non-respect des engagements contractuels par le prestataire, on essaie d'arranger les choses. Le côté coercitif du contrat est quasiment inopérant. D'accord ? D'où la gonflette. C'est que de la gonflette. C'est des gros muscles. Et puis à la fin, ça tape pas fort. D'accord ? La raison en est très simple, hein, c'est que l'échec est de moins en moins une option dans le monde des logiciels. On ne fait plus des logiciels simplement pour améliorer un petit peu la vie de certains opérationnels, on fait des logiciels parce que c'est une activité cruciale pour le développement de l'activité. Alors, donc on n'a plus l'occasion d'arrêter un projet et puis de partir sur 7 ans de procédure avec le prestataire. Alors, on ne peut pas véritablement le faire. Là-dessus, précisément parce qu'on a de nouveaux enjeux, on a décidé de mettre en place de nouvelles méthodes. C'est ça qui nous intéresse, en l'occurrence Scrum, je ne vais pas vous l'expliquer, bien sûr. Ces nouvelles méthodes, la difficulté, c'est qu'elles imposent des nouvelles règles du jeu, mais que les règles contractuelles, elles n'ont pas évolué en même temps. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire du projet agile, du projet en Scrum, sous-traité, externalisé, en utilisant les cadres contractuels qui ont été fixés pour d'autres méthodes. Alors, de la même façon que pour ceux qui ont l'occasion de le faire, on a du mal dans certaines organisations à faire de l'agilité. parce que l'organisation s'est structurée autour du cycle en V. Donc le cycle en V est inscrit dans l'organisation. Le cycle en V est aussi inscrit dans les pratiques contractuelles. Donc c'est une grosse difficulté quand on cherche à contractualiser sur un mode agile. C'est de sortir du cadre contractuel traditionnel. Ce petit graphique, hein, il est pour expliquer pourquoi on ne veut pas faire de forfait quand on fait de l'agile. Ce qu'on a dans Scrum, hein, c'est du développement incrémental, avec toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, la livraison d'un logiciel, censément opérationnel. Alors, ça, c'est la partie sur laquelle le prestataire doit s'engager, naturellement. Si le product owner de son côté fait correctement son boulot, les premiers incréments sont ceux qui portent le plus de valeur. Donc, ceux qui connaissent un petit peu la microéconomie, hein, ça revient à avoir de la valeur marginale décroissante. Donc, l'incrément de valeur à chaque nouvelle itération est inférieur à la précédente, si on a correctement priorisé. Alors là, j'ai une vision bien sûr qui est très idéalisée, hein, qui est tout linéaire. En l'occurrence, à chaque itération, on a 15 points de valeur en moins que l'itération précédente. Donc bien sûr, le total continue de croître, hein, d'accord, mais le taux marginal, lui, décroît. D'accord. Donc le problème, plutôt le fonctionnement d'un projet agile, hein, c'est de dire qu'à un moment donné, on va avoir la valeur produite pour un incrément, qui va être inférieur au coût que demande cet incrément. Et à ce moment-là, on devrait arrêter le projet. D'accord. C'est ce principe, hein. Principe très simple. Hein. D'accord. À supposer qu'on a une équipe de taille fixe, on a simplement, à chaque itération, un coût qui est fixé. Ce coût est le même d'une itération sur l'autre. Donc, bon, il y aura des petites variations, une nouvelle fois, c'est schématique. Donc on va avoir un coût qui augmente de façon linéaire et une valeur qui elle une valeur totale qui elle augmente avec un coût marginal décroissant. Donc à un moment ou à un autre, elle va se croiser et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir un logiciel qui devrait s'arrêter, un développement qui devrait s'arrêter. Ça c'est le mécanisme normal sur lequel on devrait s'appuyer pour faire du pilotage financier et budgétaire sur un projet agile. Alors, bon, dans la vraie vie, hein, c'est un poil plus compliqué. La difficulté avec le forfait, c'est que le prix est fixé au départ. C'est le principe. Donc, on va avoir un coût total qui est fixé dès le départ et qui n'augmente pas avec à chaque incrément. C'est-à-dire quoi en pratique, hein? C'est-à-dire que dans le schéma classique, hein, le client devrait être incité dès qu'il va une itération supplémentaire lui coûte plus cher que la valeur qu'il peut tirer du développement de cette itération, mettre un terme au projet. Si le coût a été fixé dès le départ, tant que l'itération n'a pas une valeur négative, ça peut arriver. On peut arriver à un niveau dans le projet, hein, où continuer à développer, ça finit par dégrader le projet, d'accord, dégrader la valeur du logiciel. Mais ça peut arriver très tard, et beaucoup plus tard que ce que le prestataire est capable de supporter d'un point de vue financier. D'accord, parce que lui, sa marge, sa marge totale. Le bénéfice total sur le projet, elle est décroissante dans le temps. Il va consacrer de l'effort au fur et à mesure que le projet avance. Donc à partir d'un moment, lui, il va être déficitaire. Pour le client, lui, tant qu'il y a encore un petit peu de valeur, ça ne coûte pas plus cher, on peut continuer. D'accord, donc ce mécanisme-là, il est à mon avis fondamentalement vicié dans les tentatives qu'on peut avoir aujourd'hui à utiliser l'ancien cadre contractuel pour mener nos projets agiles. Il va falloir probablement réfléchir à d'autres modèles, sortir de ce plan-là. Il y a d'autres éléments hein, qui pourraient rentrer en jeu. Il y a probablement des problématiques de coopération dans l'agilité, hein, des processus qu'on cherche à s'améliorer de façon continue. Ça fonctionne, hein, que si les deux parties ont intérêt à ce que le fonctionnement global s'améliore. Il faut faire très attention au niveau contractuel, hein, à ne pas mettre en place des situations dans lesquelles l'une ou l'autre des parties ne tire pas profit d'une amélioration du fonctionnement de l'équipe. Une des pistes, à mon sens, qui serait intéressant d'explorer, c'est quelque chose que Dell a mis en place à la fin des années 80. Dell a été créé en 1984 par Michael Dell. Et Michael Dell avait un petit souci au départ. Il a décidé de fabriquer des ordinateurs. Et grosso modo, il avait quasiment aucun fonds à investir pour produire des ordinateurs. Le coût initial pour être en mesure de fabriquer des ordinateurs, surtout à cette période-là, était absolument gigantesque. Les seuls qui étaient capables de fabriquer des ordinateurs, c'est des gens comme IBM, comme HP, etc. Donc, déjà installé, il y avait déjà les chaînes de production. Venir sur ce terrain-là, il y avait un coût d'entrée sur ce marché qui était gigantesque. Michael Dell a décidé de faire autrement. Il a dit, il y a dans le monde tout un tas de gens qui fabriquent des composants, et ces composants-là, mis ensemble, ils permettent de faire des ordinateurs. Donc, la difficulté, c'est que j'ai pas l'argent pour acheter tous ces gens-là. J'ai pas l'argent pour monter intégralement une filière de fabrication d'ordinateurs. Donc ce que je vais faire, je vais faire un modèle d'intégration virtuelle. Je vais faire une société avec simplement un noyau, peut-être un noyau commercial, marketing. Je vais concentrer toute ma valeur, qui est ma vision, ma puissance commerciale, ma vision en termes de personnalisation, d'individualisation des relations clientèles, etc. Enfin, des choses qui étaient relativement novatrices à l'époque sur ce marché-là. Et puis derrière, je vais intégrer simplement des fournisseurs dans quelque chose qui va être une organisation virtuelle. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à les considérer comme des fournisseurs, mais complètement comme des partenaires, comme des parties intégrantes de mon organisation. Je vais couper toutes les barrières contractuelles, je vais simplement les associer au revenu. Je vais couper toutes les barrières de communication. Alors, ils vont avoir accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour travailler. Et puis je vais construire comme ça une filière verticalisée sans moi-même avoir quasiment aucune des briques de cette filière. Ce modèle d'intégration virtuelle, il a pas trop mal fonctionné, en l'occurrence. Dell est devenu en une vingtaine d'années une société qui fait une trentaine de milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est raisonnable. Et depuis, il a été copié. Bon. Ce modèle-là, moi, il m'intéresse, parce que je pense que pour le développement logiciel, il y a de la place pour ce type de partenariat. Si on veut externaliser, finalement, il faut oublier un petit peu les aspects coûts, risques, etc. L'intérêt d'externaliser, c'est d'activer des synergies entre un prestataire qui va apporter une expertise. C'est compliqué pour une société dont le métier n'est pas de développer du logiciel, de cultiver l'expertise et la connaissance en ingénierie nécessaire pour construire des logiciels. Et donc toute la difficulté, ça va être de réunir ces compétences, une vision, un objectif métier qui est porté par le client et une capacité d'ingénierie qui est portée par un prestataire. Et d'enlever complètement la notion contractuelle dans tout ça. quand on a le quand on a le la valeur, le principe du manifeste agir, hein, de privilégier la collaboration avec le client, plutôt que la négociation contractuelle, je pense qu'il faut complètement l'évacuer, en tout cas de l'évacuer de la partie opérationnelle du projet. Fixer simplement des règles de fonctionnement entre une équipe ou une organisation qui va s'intégrer dans une autre organisation pour réaliser un objectif métier qui n'est pas le sien. D'accord. Et derrière, ça fonctionne uniquement si on ne cherche pas à transférer tout le risque sur le prestataire. On conserve le risque et qu'on garde des options de sortie, grosso modo. Après tout, l'avantage du développement incrémental, c'est que toutes les deux semaines, j'ai une option de sortie. Si je ne suis pas satisfait de mon prestataire, je l'écarte. J'ai, à date, un logiciel dont la valeur correspond, en tout cas, à l'investissement que j'ai consenti jusqu'à maintenant. Si j'ai décidé de me séparer de mon fournisseur, c'est probablement un petit peu moins. Mais en tout cas, j'ai la capacité de piloter très étroitement le résultat opérationnel de mon prestataire. D'accord. Donc du coup, je peux reprendre le risque sur le pilotage fonctionnel, la vision, qui devrait rester chez le client. Transférer la vision chez un prestataire, c'est transférer quelque chose que probablement il ne sera pas capable de porter. En conservant la vision en interne et en demandant aux équipes des prestataires simplement de produire le plus vite possible, en réglant les problèmes, etc., et en payant ce que ça coûte pour la masse d'efforts produite, ça suffit finalement pour faire fonctionner le développement agile dans un mode externe. D'accord. Donc, tout ça, il y a beaucoup de littérature là-dessus, assez peu de retours d'expérience. Aujourd'hui, fondamentalement, on fait des projets agiles. On les fait exclusivement sur le régie. On va prendre le bon vieux terme, c'est que de la régie. Il y a d'autres modes de contrat qu'on trouve plutôt justement dans le milieu industriel davantage que dans le milieu informatique aujourd'hui. Chose qu'on appelle des contrats à étage, où on fixe un certain nombre d'objectifs intermédiaires. À chacun de ces objectifs intermédiaires, il y a un go no go. On peut continuer le contrat ou l'arrêter. Alors, sachant que ces objectifs intermédiaires correspondent à des états stables du produit. Bon. Typiquement dans le développement agile, les contrats à étage fonctionnent très bien avec le mode itératif. Donc, on pourrait probablement envisager des modes avec des livraisons plus espacées, hein, sur des releases, hein. Mais finalement si le prestataire est sûr de son processus de développement, il devrait accepter de remettre en jeu sa relation avec le client à chaque itération. D'autres types de contrats qui peuvent exister, du target cost, hein, si c'est un objectif budgétaire, et puis le piloter, puis donner bien sûr des incitations au prestataire s'il parvient à satisfaire le besoin métier sur à un coût moindre. Donc, c'est des choses dont vous avez probablement entendu parler, hein, le money for nothing. De partager par exemple le différentiel entre le coût réel du projet et puis le budget qui avait été fixé. L'intérêt de ce mode de contractualisation, hein, c'est une nouvelle fois de mettre les deux parties sur des intérêts qui sont les mêmes. D'avoir chacun intérêt à ce que le projet se termine dans de bonnes conditions à un coût inférieur à celui qui était fixé au départ. Même chose avec le target schedule, où là on va plutôt se fixer comme objectif une date davantage qu'un budget. Du pay-per-use, plus difficile à mettre en place dans le logiciel, mais là c'est une association directe, hein, entre le client et le prestataire sur le revenu qu'il va tirer du logiciel. Bon, ça existe bien sûr que pour certains types de logiciels commerciaux. Bon, on peut simplement faire du partage de revenus sur les productions logicielles de ces prestataires, ou en l'occurrence de ces partenaires. Et puis le dernier mode, hein, c'est celui de l'intégration d'IRPEL, où là on est sur du partenariat stratégique, qui généralement, d'une façon ou d'une autre, va cumuler les quatre autres types de relations contractuelles. Voilà, j'en ai fini. Une nouvelle fois, j'ai pas de solution définitive à ce problème. Le marché français est très structuré autour du contrat forfaitaire. Beaucoup s'essayent à faire de l'agilité dans le cadre du forfait. On peut tirer certains bénéfices de l'agilité, hein, dans le forfait, notamment sur la gestion du changement, la gestion du changement plus souple. Par contre, je ne crois pas qu'on puisse tirer la quintessence de Scrum dans ce cadre-là. On tirera quelques bénéfices, hein, mais on sera très vite, très rapidement, ce qu'on observe d'ailleurs, limité par les termes du contrat. Et c'est vrai des deux côtés, hein, les prestataires de services, eux aussi, sont habitués à travailler sur des contrats forfaitaires. Parfois, tout leur modèle commercial est basé là-dessus. C'est quelque chose qui demande un changement culturel et structurel dans la façon dont on conçoit la relation entre un client et un fournisseur dans le domaine du développement logiciel. Donc, il y a tout un tas d'autres qui peuvent être externalisés. Des questions? Oui. J'ai déjà eu l'occasion et les retours sont très mauvais. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder le problème. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas que les retours sont mauvais. Hein. Beaucoup de directeurs achats sont conscients des limites des processus qu'ils appliquent, sur les capacités opérationnelles derrière qui sont capables de dégager de leur politique d'achat. Malheureusement, c'est des choses qui n'ont pas été décidées comme ça tout d'un coup et qu'on peut réformer d'un claquement de doigts. Les politiques d'achat aujourd'hui sont le fruit, surtout dans les grandes sociétés, sont le fruit de maturation qui ont duré des dizaines d'années, qui sont adossées à des processus, etc. Les remettre en question d'un point de vue intellectuel autour d'une bière, toujours possible. D'un point de vue opérationnel, ça pose énormément de difficultés. Alors, ce n'est pas tous les directeurs achats, bien sûr, qui sont sensibles à ce genre de choses, mais j'en connais un certain nombre qui sont parfaitement conscients que les processus et le carcan dans lequel ils ont enfermé la prestation de logiciel est, dans un certain nombre de cas, contre-productif. Elle n'est pas contre-productive sur certains aspects, notamment sur la partie contrôle budget. Si on regarde que la partie coût, on est dans des conditions qui sont plutôt confortables. Quand on maîtrise les coûts, on sait comment agir sur les coûts. La difficulté, c'est quand on commence à regarder ce qu'on a en face de ces coûts. On commence à analyser un peu plus finement la valeur qu'on arrive à tirer de ça. Et cette comparaison n'est pas faite partout. Donc, on peut avoir un certain nombre d'organisations où l'informatique reste un centre de coût. En général, c'est le premier truc que je regarde quand on me demande de faire d'évaluer si une organisation, ce que ça va prendre pour faire une transformation agile. si l'informatique est rattachée à la DAF. En général, vous abandonnez tout de suite. Il y a trop de choses à faire. C'est-à-dire qu'on est encore sur un modèle où on voit un centre de coût, pas un centre de revenu. Donc, l'agilité consiste à dessiner des revenus. Il n'y a personne pour le mesurer. On sait plus faire. D'autres questions? Est-ce que vous avez mis en place Trump dans le cadre d'apporter, vous, personnellement, et du coup, quel type de contrat vous avez mis en place? Alors, la réponse dans le cadre d'un forfait, c'est non, on refuse catégoriquement. Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, je ne crois pas que c'est un bon moyen de faire quelques petits trucs liés à l'agilité, et on ne va pas pouvoir faire, ou d'une façon générale, exécuter le modèle agile. Par contre, on mène des projets sur des contrats qui sont de la régie long terme, avec pour certains de nos clients des coûts pour un sprint. Bon, on facture au sprint. Et ils ont une option de sortie à la fin de chaque sprint. On a l'obligation de leur livrer un logiciel qui fonctionne et qui est conforme à la vision qu'ils nous fournissent. Le product owner est chez eux. Tout le développement est chez nous et on fonctionne comme bien, comme ça, ça fonctionne très bien. Par contre, ça ne résiste pas à une procédure d'appel d'offres. Voilà, merci.